passent pas. La vie est faite de rencontres, de gens qui se la racontent, de personnes qui nous aiment, à qui on doit rendre des comptes, les amis se comptent. Sors les doigts d'une main, on est copains aujourd'hui, est-ce qu'on le sera demain? La trahison c'est trop commun. Y'a trop de gens qui pensent qu'à soi, moi quand j'agis je pense combien. Dis-moi combien d'amis as-tu gardé depuis que t'as changé de lycée? Ici je te parle même pas de relations policées. Avec les fameux bien élancés, rares sont celles qui n'est pas glissée dans le monde de la semelle qu'on pensait. J'sais pas trop quoi en penser, au-dessus de la tête ça me passe. Et j'préfère me concentrer sur ce qui peut me tracasser. J'suis trop cassé quand je rentre dehors et soir pour capter quoi que ce soit. Voilà pourquoi je les déçois, qu'est-ce tu crois? L'amitié ça se donne et ça se reprend pas. J'ai appris ça de mes remparts. Laisser tomber quelqu'un du jour au lendemain, ça je comprends pas. Dédicacé aux potos, mes potos, ouais les potos, ouais oh. Il est l'heure de partager la chaleur, de reprendre des couleurs histoire d'oublier la douleur. Dédicacé aux potos, mes potos, ouais les potos, ouais oh. Que pour rouleur et fuck up aux souleurs. J'ai pas inventé l'amour, non, j'suis juste un receleur. Toujours pour toi. Si tu crois que la vie c'est comme une chanson de Laurie, tu risques de changer d'avis quand t'auras pris trop de calories. Et que ceux que tu croyais tes amis seront partis, parce qu'avec toi c'est chaud pour rentrer en boîte de nuit. L'expérience m'a appris qu'il fallait pas se faire d'illusions, ni décevoir ses amis avec des histoires à la con. Je trahirais pas un pote pour une pute, même pas pour une poupée trop haute quand je suis en rue et qu'elle m'a déjà mis en calbut. C'est pas pour Paul qu'elle monopole quand elle racole, mais d'abord les people avec qui je suis à la colle. Pas irréprochable, mais fidèle comme un cabot. Je te laisserai pas le sel sur le sable, les yeux dans l'eau. À dire que ton rêve était trop beau, j'aime pas les corbeaux, souvent un cœur de robot. Et surtout les profiteurs qu'on connaît à leurs gros sabots. Un ami, c'est comme un membre de la famille. Si la faim y'a des lentilles, qui m'appellent Meka ou Camille. C'est avec eux que je partage mes plus beaux souvenirs. C'est avec eux que je partagerai quand je verrai les souvenirs. Dédicacé aux potos, mes potos, ouais les potos, ouais oh. Il est l'heure de partager la chaleur, de reprendre des couleurs histoire d'oublier la douleur. Dédicacé aux potos, mes potos, ouais les potos, ouais oh. Que pour rouleur et fuck up aux souleurs. J'ai pas inventé l'amour, non j'suis juste un receleur. On va pas refaire le monde puisque tout le monde veut nous la faire à l'envers. Autant pas s'en faire et se mettre la tête à l'envers. Quand je suis crevé, y'a que l'amitié qui me sert de rustine. Parce qu'on sera toujours les premiers baisers comme Justine. C'est juste une petite balade, la vie d'un type banal. Mais note-le dans tes annales. J't'avoue que je kiffe pas mal, j'suis open. Toujours dans les bons coups comme Scottie Pippen. Et quand j'suis on the mic, anything can happen. C'est pour mes potos, mes putains de petits péteux. Ça peut peut-être paraître péjoratif, mais sans pète. Quand on s'embête, on roule des pètes. Et puis on pète, parce qu'on est bête. Quand on s'endette, on se rend des services. On soutient quand y'a des sévices, on supporte les supplices, pas besoin de me supplier. T'as un problème, j'suis présent, tu me sors une blague, j'suis plié. Youpi youpi ya, youpi yo, youpi ye. Si tu veux piller, on voit petit haut aller piller, à l'épicier. Et comme on est sympa, on te laissera aller pisser. Nous on est pissé de manière très épicée. Et si on est bien dans la vie, c'est parce qu'on sait la presse. Dédicacé aux potos, mes potos, ouais les potos, ouais oh. Il est l'heure de partager la chaleur, de reprendre des couleurs, histoire d'oublier la douleur. Dédicacé aux potos, mes potos, ouais les potos, ouais oh. Que pour rouleur et fuck up aux souleurs. J'ai pas inventé l'amour, non j'suis juste un receleur. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la